chose, ça. Ah, c'est pas ça, avec ta musique de beatnik, clubber, là. Tout le monde se fait chier, là. Franchement, tu voudrais pas mettre du hardcore? Un truc qui bouge, quoi. Qui défonce sa race, quoi. Va t'enculer.